Épilogue. L'assassinat du comte de Mondieu, qui fit un bruit énorme dans le tout Paris, eut du moins pour résultat immédiat d'aplanir bien des difficultés. Si Suzanne, qui le croyait en réalité son père, le pleura sincèrement, il est trop juste de dire que ses regrets s'atténuèrent quand elle connut la vérité. Sa mère, voyant que cette douleur et ce respect s'égaraient sur un homme indigne, lui dit tout. Suzanne, apprenant qu'il n'était pas son père, qu'il avait martyrisé sa mère, et qu'elle n'avait été qu'un otage entre ses mains, se consola bien vite, et c'était justice. Est-il bien utile de dire que Marquisette donna de suite et de tout cœur son consentement à l'union de sa fille et de Maurice Vandol? L'excellente femme, souhaitant ardemment le bonheur de l'enfant si miraculeusement retrouvé, ne pouvait, ne voulait faire l'ombre d'aucune objection. Et ce mariage fut le premier de la série, car il y eut une véritable série d'épousailles qui continua par l'union de Germaine et de Michel. Comme dans les romans et les contes de fées, l'enfant du peuple, l'ouvrière parisienne, devint princesse. Le mariage se fit sans bruit, sans fracas, à l'église russe de la rue Daru. Il fut discret comme le bonheur des deux époux et ne suscita aucune envie, aucun commentaire dans la colonie moscovite où l'esprit et la beauté de Germaine valurent à la jeune femme l'accueil le plus sympathique. Michel dota richement sa belle-sœur, Berthe Rollin, qui devint peu après la femme de Georges de Mondieu, dit Bobineau. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Non pas le mariage, mais la chose elle-même du brave typo, du joyeux compagnon, devenu un conte parfaitement authentique, et bah plus fier pour ça, vous pouvez le croire. Du titre, il s'en fiche un peu. Mais il a trouvé en même temps une mère qu'il adore de toute la force de son cœur, une sœur qu'il chérit. Et c'est là, plus que tout le reste, la grande compensation à sa vie si cruelle d'enfant abandonné. Et ce qu'il rigole, ce qu'il blague toujours, pas sérieux pour deux sous, quand il s'amène chez son beau-frère, le prince, ou chez les copains de l'imprimerie, et s'annonce lui-même. « Monsieur le comte Bobineau !» Naturellement, il adore sa femme, la gentille Berthe, la petite comtesse Bobineau, restée bonne, simple, dévouée. Un vrai ménage parisien, qui, ravi d'être au monde et de s'aimer à plein cœur, fait le bien avec cet entrain joyeux qui rend la charité si douce aux malheureux qui la reçoit. Le quatrième et le plus inattendu de ces mariages est celui d'Andrea et de Désiré Mouton. La succession de Guy de Maltaverne étant ouverte, le millionnaire provincial s'était mis, comme l'on sait, sur les rangs pour la recueillir. Andrea eut le bon esprit de lui tenir la dragée haute et de ne pas accepter ses propositions d'épousailles au 21e arrondissement. Un accès de vertu qui ne devait pas tarder à recevoir sa récompense. Désiré Mouton, très sincèrement épris, libre de ses actions et de sa fortune, lui proposa carrément le mariage. « Ma foi, mon cher, lui répondit Andrea, tu fais peut-être une meilleure affaire que tu ne le crois. Cette vie absurde m'exaspère. J'attendais l'occasion de me ranger. Je la trouve et je la saisis au passage. Tu auras en moi une bonne femme, pas bégueule, honnête et dévouée. Je ne te trahirai pas. Ça, mon petit, tu peux en être certain. Et puis, si tu veux me faire plaisir... Oh, mais un plaisir à me rendre folle, nous irons habiter la campagne. Nous aurons des chevaux, des vaches, des moutons, des poules, des canards. Une ménagerie, quoi. Ça, c'est mon rêve de parisienne qui n'a jamais dépassé les fortifs. Dis, le veux-tu ? Désiré Mouton, qui lui aussi en avait assez de Paris où il se sentait mal à l'aise, consentit, et de grand cœur. Tiens, t'es un amour d'homme, fit Andrea en l'embrassant à pleine bouche. Un acompte, le seul. À présent, allons voir monsieur le maire. » Sur cette dernière phrase s'achève la lecture du livre « Le secret de Germaine » écrit par Louis Bousnard.